Avant votre femme, avant-ti la bière, avant-ti maltaise, avant-ti fond. Monsieur Yotou, j'ai a perdu la vie en Chantali. Monsieur Yotou, j'ai a perdu la vie en Chantali. Allez, non. Monsieur m'a dit nos bagailles. Avec qu'est-ce c'est pas vous dire qu'on a donc petit la fièvre, mon petit tête fait mal. Comprenez qui vous dit vous malade pour ça. Qu'est-ce que l'on cherche le roi Bouendi? On va en dire qu'on prend qu'est-ce que là. Mais qui j'en prends, c'est même qui va être tout qu'est-ce que là, oui. Parce que, en principe, il y a des livres, il y a une fille ouverte devant vous. Ou pas fait pour lui là-dedans. Ou pas fait pour lui. Parce que, ou mettre ouvert le livre là, ou mettre défaité, ou mettre l'île, ou pas bien qu'à comprendre ça que là-dedans. Parce que livre sans être en bibliothèque, femme, non, c'est femme qui fait. Mon autre bagage plus important. Regardez, camarade là. J'ai pas de travail à faire, pas bon. Achal Kali.